La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour un nouveau numéro d'une compagnie des auteurs consacrée toute la semaine à Boris Vian. Une émission proposée par Laurence Genepin, Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet et Chloé Kasmarek, avec à la prise de son aujourd'hui Michel Gassic. Troisième épisode de notre voyage dans l'univers tragicomique de Boris Vian. Lundi, c'est Claire Julliard qui nous a présenté les grandes lignes de sa vie et de sa personnalité. Hier, avec Christelle Gonzalo, nous nous sommes arrêtés notamment sur le tropisme américain de Boris Vian. Demain, Chloé Delhomme nous dira pourquoi c'est l'auteur de L'écume des jours qui lui a donné envie d'écrire. Et Thierry Foulc nous parlera de Vian et la pataphysique. Mais aujourd'hui, nous sortons du studio 108 de la Maison de Radio France pour aller voir directement chez Boris, dans le dernier logement qu'il a occupé avec sa femme Ursula, et où vit aujourd'hui la responsable de la Coëri Vian, Nicole Berthold. Bonjour. On n'est pas trop en avance. Non, je crois même que vous êtes à l'heure, en fait. Enchantée, Nicole Berthold. Alors, je vous écoute, excusez-moi, je finis juste comme ça, ce que j'étais en train de faire. Et puis, j'ai pour habitude de faire ça. Ah, de faire quoi ? Parce que les ordinateurs n'existaient pas du temps de Boris Vian. Et donc, vous mettez un portrait de Boris Vian devant votre écran ? Oui, dans la mesure où je travaille, j'ai le privilège de travailler à son bureau. Oui. Ah, c'est sa table, c'est tout était comme ça. Oui. Et tout était comme ça ici. Et c'est vrai que j'y tiens beaucoup, je trouve que c'est important dans l'émotion, dans le bois, dans la matière, dans ce qu'on voit, de temps en temps, d'être exactement dans les mêmes dispositions. Et en fait, aussi, j'ai le privilège de travailler sur son bureau, mais aussi de m'asseoir sur la chaise qu'il a faite. Ah, il l'a fabriquée lui-même. Oui. Bah, elle est très belle, vous pouvez la décrire ? Oui, bien sûr. Au départ, Boris avait pour habitude de toute façon de faire beaucoup de choses par lui-même. Et on va dire que dans cet appartement, c'est exactement ce que vous allez constater. Quasiment tout a été fait, pensé par lui-même. Parce que c'était pas cher d'abord, parce qu'il était ingénieur et parce que c'était aussi une façon vraiment d'imprimer le lieu. Parce que ce fut sa seule maison en réalité. Et donc cette chaise, il avait envie d'avoir une chaise déjà à sa dimension. C'était un monsieur qui était grand et qui avait des grandes jambes. Et il avait souvent l'habitude de dire que ses jambes traînaient par terre. Donc en fait, il a conçu une chaise où il y a un plateau qui est un peu plus haut que la normale. Et puis, comme c'était un ingénieur, mais qui était non pas approximatif, mais qui avait des idées, on va dire, assez décalées, il avait imaginé de faire cette chaise en bois, parce qu'il aimait particulièrement le bois. Il avait envie de la faire pliante. C'était toujours plus facile. Boris, il aimait bien que les choses, elles bougent, elles vivent comme ça. Et donc, pliante, très compliquée. Donc, il a commencé par la concevoir pliante. Puis ensuite, il a changé de stratégie et il en a fait une chaise non pliante. Et donc, cette chaise, on l'a fait répliquer par un ébéniste, plusieurs exemplaires, et elle a été achetée par des collectionneurs, parce que ces collectionneurs, et surtout l'ébéniste, nous a dit que c'était une chaise qui était invraisemblable à faire et à concevoir. Il a eu un mal fou d'ailleurs à lui la faire tenir, si je puis dire, non pas debout, mais assise. Et alors, elle est confortable ? Elle est très, très confortable, bien sûr. Il y a un très beau plateau, très large. Et vous comprendrez aussi pourquoi elle est si large. C'est parce que Boris jouait de sa guitare lyre sur cette chaise, en fait. Donc là, je suis vraiment exactement à sa mesure. Voilà. Donc, Nicole Berthold, vous vivez vraiment dans les meubles de Boris Vian, chez Boris Vian. Vous avez dit que c'était sa seule maison, pourtant il est arrivé au début des années 50, c'est ça ? Il a vécu avant dans d'autres endroits. Il arrive en 1953, très exactement, et il n'a pas vraiment de lieu à lui avant, puisque auparavant, lorsqu'il quitte la maison familiale à la ville d'Avray, il habite chez ses beaux-parents. Et les parents de sa femme Michel Léglise avait un très très grand appartement qui se situait Faubourg Poissonnière. Il y a quelque chose qu'on peut rappeler d'important à Faubourg Poissonnière, c'est que c'est quand même là que se tenaient des surprises parties importantes. C'est là que venait notamment le fameux couple Beauvoir, Beauparloir, comme il l'appelait parfois, et Jean Solpartre, et aussi Camus. Et c'est là où, de temps en temps, ça chauffait d'ailleurs, parce qu'ils n'étaient pas toujours d'accord. C'est là aussi où Duke Ellington arrive à 4 heures du matin chez Boris et Michel en disant, mais vraiment, Paris, on s'ennuie, pour pas dire autre chose. Est-ce qu'il se passe quelque chose quelque part? Alors, Boris va lui concocter, je veux dire, une nuit d'enfer. Hein, voilà. Là, on accompagne un Boris Vian qui est vraiment chez lui, puisque cet appartement, il va le concevoir avec sa seconde femme, Ursula Vian-Kubler. Alors, il faut parler un peu de vous quand même, Nicole Berthold. Donc, vous êtes représentante et mandataire de l'œuvre de Boris Vian, et cela depuis le décès donc d'Ursula en 2010. Ursula Kubler, c'était donc la seconde épouse de Boris Vian, que vous avez connue, fréquentée pendant une trentaine d'années, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est finalement, j'arrive dans la maison il y a 40 ans, en réalité, 41 ans, ici. Comment vous êtes arrivée là, justement? Par une histoire personnelle qui a fait que j'ai frappé à sa porte un matin, alors que je n'avais plus rien, on va le dire comme ça. Elle m'a accueillie sans me poser de questions, et c'est vrai que cette femme ne m'a plus quittée, et elle ne m'a plus quittée. J'ai été ce qu'on appelle son assistante collaboratrice personnelle, mais la chose la plus drôle du monde, c'est qu'elle m'a confié deux missions énormes dès le départ, qui étaient de me confier les manuscrits de Boris Vian et toute la chaîne des droits d'auteur. Et j'ai lu toute son œuvre sur manuscrit, 25 000 pages. Et ça, les manuscrits, ils coulent dans mes veines. Je les connais, je les reconnais, et j'ai pu poser des questions en direct. Parce qu'en fait, entre la mort de Boris Vian et la date de 1976, qu'est-ce qui se passe? Il se passe tout simplement qu'Ursula Vian et Monsieur D, et Christian Bourgois, et Jean-Jacques Pauvert, et Losfeld, Eric Losfeld, notamment, eux, les grands, je les redécouvreurs, de l'œuvre de Boris Vian, ce sont à l'époque des gens qui vont porter l'œuvre avec le collège de pataphysique tout de même, il ne faut pas les oublier, que Noé est parfaitement là, présent. Ils ont tous, mais vraiment, ils sont en deuil pendant très très longtemps. Donc, avec le soutien de tous ces gens-là, Ursula va redynamiser l'œuvre. Et il y a une petite phrase que je voudrais citer, parce qu'elle est vraiment émouvante. Lorsque Ursula a vu que les choses se mettaient en place dans les années 60, on lui a dit, tu sais, l'ours. Souvent, on l'appelait l'ours, parce que Ursula. Tu sais, l'ours, t'emballe pas, ton Boris, ce serait un feu de paille. Et puis, des années plus tard, elle disait, eh ben, vous voyez, ce feu de paille, c'est devenu un grand chêne, et je suis restée sous mon chêne. En fait, c'est peut-être même le contraire, c'est-à-dire que la notoriété de Boris Vian et le nombre d'exemplaires vendus de ses livres a été finalement plus importante après sa mort que de son vivant. Donc on a l'impression qu'il a fallu attendre qu'il disparaisse pour qu'on prenne vraiment la mesure de qui il était. Il y a deux choses précises par rapport à votre question, par rapport à votre remarque. Il y a quand même mai 68 qui va jouer un rôle déterminant. Il y a un changement de société énorme en France, en Europe, indéniable, voire même plus loin. Et Boris Vian va vraiment, d'un seul coup, avoir sa place. Parce qu'on va redécouvrir et découvrir dans son œuvre quelque chose de militant, de profond, de justement, dans l'écume des jours, contre le travail, la redéfinition de l'humain dans la société, face à l'économie, etc. Et Ursula va prêter, notamment à la Sorbonne, des manuscrits inédits qui seront tagués dans des salles. Et la chose tellement drôle, c'est qu'à la Sorbonne, il y a un moment donné où grande réunion, bien sûr, de tous les étudiants. Et à droite, il y a la salle qui est baptisée Sartre. Et en face, il y a la salle baptisée Vian. Et il va y avoir des tas de joutes oratoires, etc. Et donc là, vraiment, ça va jouer un rôle déterminant. Et puis, l'autre chose qui va jouer un rôle déterminant, c'est tout simplement qu'on avance dans le temps. Oui, Boris Vian était effectivement en avance dans son temps. C'est quoi la différence entre un étudiant sartrien et un étudiant vianesque? Comment on dit ça? On pourrait dire que l'un est quand même un peu plus sérieux que l'autre. Il y a un rapport à la vie, il y a un rapport à la connaissance qui est différente. Vian n'aime pas l'élitisme, Vian n'aime pas... il dit toujours, si on écrit, il faut être compris par le plus grand nombre. C'est ce qu'il reprochait beaucoup, je veux dire, au Cercle, Merleau-Ponty, Bost et compagnie. Ça ne veut pas dire qu'il n'en est pas d'accord, mais il estimait que c'était quand même restrictif. Et son enjeu, avec l'écume des jours notamment, c'est d'écrire un roman populaire. Je crois que ça se tient vraiment là. Et puis, de par sa maladie de cœur où il se sait condamné très jeune, lui, il a envie de vivre complètement différemment, autrement. Et c'est pour ça aussi que Sartre l'apprécie, parce qu'il aime bien passer des nuits entières, je veux dire, à traîner dans les cercles de jazz avec ce garçon complètement fou qui a en même temps une rhétorique, une pensée, une connaissance assez démesurée. Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Alors Nicole Berthold, cet appartement, c'est un deux pièces, c'est ça. Est-ce que vous savez comment Boris Vian l'a choisi? Est-ce que vous connaissez un petit peu l'histoire de la rencontre entre Vian et cet appartement? C'est pas évident de connaître l'histoire de cet appartement parce qu'il y a plusieurs versions. Mais la première, c'est que ce n'est pas Boris Vian qui a trouvé cet appartement, mais Ursula. Pour une raison très simple, Ursula, elle est danseuse, danseuse de très haut niveau. Elle est la première danseuse de Roland Petit. Elle sera la danseuse de Maurice Béjart plus tard. Elle a tout simplement besoin de danser 8 heures par jour. Et où est-ce qu'on danse à Paris dans les années 50? Entre Pigalle, Blanche et Place Clichy, parce que c'est là où il y a le maximum en fait de studios de répétition. Donc en fait, elle va se balader par là, et la coïncidence veut qu'à l'époque, des ateliers du Moulin Rouge sont en cours de réfection pour pouvoir abriter des artistes, pour garder une logique en fait de personnes qui sont centrées autour de ce lieu magique. Donc là, on est dans le Moulin Rouge finalement. Et oui, ça c'est très important. Nous sommes dans le Moulin Rouge et ce qui est encore plus important, c'est que nous sommes toujours locataires. Et non seulement locataires du Moulin Rouge, mais locataires du bal du Moulin Rouge. Ça, je tiens beaucoup à le préciser, car Ursula Vian a dansé le French Cancan notamment. Et Boris descendait régulièrement, parce que dans les années 50, c'était un music-hall. Gréco ou même Barbara y ont chanté. Donc pour Boris, c'était très bien. Alors il y a une petite histoire très jolie, c'est que Ursula, elle arrive ici un dimanche, on lui donne rendez-vous et le monsieur qui va effectivement lui faire visiter s'appelle Monsieur Dimanche. Et Boris va en faire une nouvelle qui s'appelle « J'ai trouvé un appartement comme un dé à coudre ». Ils vont être tellement heureux ici. Alors c'est un appartement archi modeste et c'est un appartement dans lequel il n'y a rien. Donc Boris va tout faire, tout simplement, va organiser les choses au fur et à mesure. Alors cet appartement que vous voyez aujourd'hui, qui est sous vos yeux et pour les auditeurs qu'ils vont imaginer, mais qui est grand et qui a une vue magnifique sur le haut plafond. Très haut de plafond, qui est grand, qui a une vue magnifique sur la terrasse du Moulin Rouge, c'est pas ça du tout au départ. Je vais vous y accompagner pour vous expliquer ce que c'était au départ. Peut-être la première chose à dire, c'est que cet appartement, avant tout, c'est une atmosphère. Comment est-ce que vous la définiriez, cette atmosphère? Elle est vivante. C'est comme ça que je dirais. Chaque chose qui est dans cet appartement est vivante. Chaque chose qui nous sert pour le travail, je veux dire, on le sort, on le palpe, et puis tant pis si ça s'abîme. Mais le pick-up de Boris est là, et je peux vous dire que là, le brebec que vous voyez, je ne l'ai pas mis là en décor, c'est parce que je l'ai vraiment écouté, et tout le reste qui est là, et Fitzgerald, son piano qui est parfois un peu, je veux dire, de guingois, si je le fais pas accorder, c'est pas grave, on y joue quand même dessus, vous etc. Vous jouez du piano? Non, non, non. Moi, je ne joue pas de piano, mais qu'est-ce que je suis contente quand tas de gens viennent y jouer. Et puis je bouge les choses de place aussi. Donc, c'est vivant, encore une fois. On y fait des grands repas, tous ensemble. C'est très familial, ici. Très simple, très vivant, familial, chaleureux. Je peux vous dire que de temps en temps, quand je fais des visites, au bout de 2h30 ou 3h, je suis obligée de mettre les gens dehors. Ils ne veulent plus partir. Vous avez vécu là avec vos enfants aussi? Mes enfants sont là. J'ai d'abord vécu avec Ursula Vian, donc quand je suis arrivée ici, parce que tout de même, juste pour la chose très drôle, c'est que quand je suis arrivée chez Ursula un matin, c'est que je n'en suis plus jamais partie. Et ça, c'est des mots quand on dit j'arrive chez quelqu'un puis je reste là. Non, mais moi, c'est pas des mots, c'est-à-dire ce ne sont pas des mots. C'est-à-dire que je me suis assise là sur le canapé, puis le soir, elle m'a prêté un lit, et puis je suis restée là. Faites attention, parce que ça va peut-être vous arriver à vous. Il y en a qui ont bien essayé, mais il y a quand même des gens qui sont venus habiter là aussi. Notamment Julian Beck, du Living Theatre. Ah, oui. Et ben, il habitait là aussi, par exemple, pendant une époque. Et puis des tas d'autres gens. Mais pour revenir aux objets et à l'atmosphère, je pense que tout simplement, c'est habité, c'est vivant. Oui. Et puisque vous me posez la question de plus personnelle de mes enfants, oui, mes deux enfants ont habité là avec moi. Et j'ai envie de dire, les copains venaient. Eux, tout ça était très naturel pour eux. C'était plus compliqué quand les copains et les copines venaient, par exemple. Alors, mon fils, très très très jeune, a appris un mot, un des premiers mots, c'est le mot patrimoine. Et de temps en temps, s'il y a un copain qui se balançait sur une chaise, il lui disait « Non, non, faut pas, parce que c'est patrimoine la chaise !» Ça, c'était très très drôle. Mais autant ma fille, ça a été compliqué et lourd, et elle est partie habiter aux États-Unis. Pas que pour ça, mais je pense qu'elle ne trouvait pas forcément sa place. Autant mon fils, alors lui, c'est complètement intégré. Voilà. Alors, l'atmosphère, elle est d'abord celle d'une couleur, qui est la couleur rouge, rose, un peu passée. Il y a une atmosphère comme ça de cocon, un petit peu, de velours aussi. C'est très chaleureux. Vous-même, vous êtes habillée en mauve aujourd'hui. Oui, il y a aussi du tissu, du bois. Du blanc, effectivement, ce côté brun pour le plafond. Donc, si l'appartement a été rénové à l'identique, absolument rien n'a été modifié. Donc, lorsque nous sommes dans cette pièce, nous sommes dans la salle à manger. Puisque, en réalité, cette porte-là, aujourd'hui, il y a trois portes d'entrée. C'est très chic. Avant, il n'y avait qu'une seule porte d'entrée. Et quand Boris et Ursula arrivent là, ils sont dans un petit deux pièces, en fait. Alors, il y a à ce moment-là, strictement rien d'autre qu'une cloison, une porte qui découvre la chambre derrière. Mais pour Boris et Ursula, mais c'est Byzance. Car entre l'appartement des beaux-parents qui fait 250 mètres carrés, Faubourg Poissonnière, et cet appartement, Boris habite 8 mètres carrés. 8 mètres carrés au 7e étage pour un gars qui est malade du cœur. Je peux vous dire que c'était dramatique. Alors il avait conçu d'ailleurs une petite douche, je veux dire, avec une ficelle et qui était au-dessus de son bureau. Bon, alors Boris et Ursula, ça les a amusés un an, deux ans, puis après ça devenait quand même très compliqué. Quand ils sont arrivés là, c'était formidable. Donc, vous avez une petite salle à manger. Boris a fait la table, cette table en bois que vous voyez, très années 50, hein, effilée avec les pieds et tout. Il l'a fait avec son copain Marcel. Mais la chose qui est assez drôle, c'est qu'avec Ursula et moi, plus tard, on a changé les meubles dans tous les sens plein de fois et on a toujours tout remis exactement où Boris avait imaginé. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'est optimisé à tous les niveaux. Et donc finalement, bon, bah, il vaut mieux que ce soit comme ça puisque c'est comme ça. Donc là, il y a le lit de son fils, il y a le lit de Patrick. Patrick a habité là quand il s'est séparé de sa femme. Boris a deux enfants, un garçon et une fille. Donc Patrick et Carole. Carole va passer ici de temps en temps, elle est petite, alors que Patrick va habiter ici avec Ursula et Boris. Et donc, il lui a fait un lit, ce qui était très rare à l'époque, c'est un lit bateau. Ce qui est intéressant, c'est que c'était un lit où on intégrait du rangement. Hein, Boris aimait beaucoup le bateau, aimait beaucoup la mer. Donc ça, c'est aussi l'optimisation de l'espace, qui est très important. Dans sa conception, là. Alors, est-ce qu'on peut aller dans la pièce à côté ? Oui, bien sûr. J'ouvre la fenêtre parce qu'il aimait tellement ça, se mettre là. En fait, c'était très important pour lui. C'était la vie, c'était la lumière. En fait, il y a des fenêtres partout dans cette chambre. Oui, voilà. Alors, il l'avait conçue de telle façon qu'il a très vite enlevé la cloison là et il a fait une cloison amovible. C'est-à-dire ce que vous voyez là, cette cloison amovible, genre loft new-yorkais, c'était quand même son but, hein. Il aimait beaucoup ça. Ça permettait de dire, Ursula ou Boris, on va se coucher, mais on a toujours le coin bureau. Voilà. Donc en fait, c'est une chambre bureau. Ça permettait d'avoir une petite salle à manger, puis d'avoir une chambre bureau. Donc Boris, au départ, il écrit et travaille ici, toujours ici. Mmh. Il a sa guitare hein, qui va être à un moment donné ici. Et puis petit à petit, on voit l'évolution où il commence à s'agrandir. Et dans ce cas-là, il positionne les choses, les bibliothèques et tout différemment. Alors, J'ai envie d'ajouter que quand Boris est mort, la grande peine d'Ursula, l'immense chagrin d'Ursula, a fait que c'est la seule chose qu'elle a modifiée dans l'appartement. C'est qu'elle a fait déconstruire le lit à plateau que Boris avait fait. Un lit à étage avec des poulies. Pour que Boris y puisse monter ses petites affaires. Alors, ce qu'il faut dire, Nicole Berthold, c'est que à l'étage en dessous, ou peut-être à côté, il y avait Jacques Prévert. Je voudrais vous faire écouter une archive de Prévert parlant de Boris Vian. C'est encore la voix de Boris Vian. Boris, c'est mon ami, c'est mon voisin. Un jour, il est mort, comme on dit. Mais on dit tant de choses. Boris, il est toujours vivant quand je parle de lui. À Ursula, Boris, sa date de naissance, sa date de décès, ce fut langage chiffré. Il connaissait la musique, il savait la mécanique, les mathématiques, toutes les techniques, et les autres avec. On disait de lui qu'il n'en faisait qu'à sa tête, on avait beau dire. Il en faisait surtout à son cœur, et son cœur lui en fit voir de toutes les couleurs. Son cœur révélateur, il savait trop vivre, il riait trop vrai, il vivait trop fort, son cœur l'a battu, alors il s'est tu. Et il a quitté son amour. Il a quitté ses amis, mais ne leur a pas faussé compagnie. Qu'est-ce que vous dites de cette archive, Nicole Berthold ? Je dis que je suis doublement, triplement émue. Quand j'arrive en 76, Jacques Prévert n'est pas décédé. Donc j'ai eu l'immense joie de le rencontrer. Il habitait encore ici ? Il n'habitait plus ici, il était à Aumonville-la-Petite puisqu'il se savait condamné. Et je suis allée le voir plusieurs fois avec Ursula aidée, bien sûr. Donc ça a compté beaucoup, bien sûr, dans ma vie. Et puis plus tard, j'ai été très très liée à sa fille, Minette Prévert, qui n'est plus là non plus. Et aujourd'hui, je peux dire que ce qui me rend le plus heureux, c'est que je suis toujours liée à la petite fille de Jacques Prévert, Eugénie, et à ses enfants, voilà. Et donc, pour moi, c'est indissociable, cette maison. Prévert et Vian sont indissociables. Pour moi, Eugénie, et je pense pour elle, pareil, nous sommes, entre guillemets, les humbles mémoires de ces deux géants. Et l'autre chose que j'ajouterais, c'est que je peux vous dire que le jour où Jacques est mort, Ursula est morte, vraiment une deuxième fois après l'amour qu'elle avait perdu. Elle est morte une première fois quand Boris est mort et elle est morte une deuxième fois quand Jacques est mort. Jacques adorait Ursula. Parce que ici, dans cet immeuble tellement extraordinaire, tout à l'heure on ira sur la terrasse voir le moulin du Moulin Rouge qu'on peut voir depuis cette terrasse. Dans cet endroit très particulier, avec ces deux personnalités également si fortes, quelles étaient leurs relations ? Est-ce qu'ils se voyaient chaque jour ? Est-ce qu'ils avaient entre eux des relations amicales de fête ? Comment s'organisait leur complicité ? Ils se connaissent depuis l'époque de Saint-Germain-des-Prés. Je pense autour de 47, ils se rencontrent. Donc, Montparnasse. On oublie souvent que Prévert a été très présent au début de Saint-Germain-des-Prés. C'est quelqu'un qui est rarement cité. Boris l'a fait d'ailleurs. Il a rectifié tout. Donc, ils se connaissent bien. Ils se respectent bien. Et je veux dire, sur le plan libertaire, ils sont vraiment dans la même voie. Mmh. C'est ce qui peut justement faire la différence avec ça. Il y a une affiche libertaire là-bas, je vois. Tout à fait. Boris a joué plusieurs fois pour la Fédération anarchiste. Donc il y a quelque chose qui les rapproche là-dessus. Les origines sociales de Jacques, etc. Et pourtant, Boris est issu d'une grande famille bourgeoise. Mais il aime ce côté-là, il a du cœur, Boris, il le dit, Jacques. Il a du cœur, Boris, et je crois qu'ils se reconnaissent là-dessus. Maintenant, pour en revenir à la cité Véron, on va dire que ce sont deux hommes prudes, très pudiques, tous les deux, et ils sont dans leur milieu privé et familial. Et ça, c'est la famille qui prime. Hein. C'est-à-dire, il y a Patrick d'un côté, il y a Minette de l'autre. D'ailleurs, ils vont faire toutes les conneries du monde, tous les deux. Hein. Commencer par essayer de foutre le feu, d'ailleurs. Parce que d'ailleurs, Boris a écrit une nouvelle qui s'appelle Les Pompiers, qui est issue des jeux de Minette Prévert et de Patrick Vian. Mais c'est vrai qu'il y a une atmosphère familiale pas toujours évidente, on va dire. pour des raisons X, Y, qui fait que de temps en temps, ils sont quand même un peu chacun chez eux. Mais ça ne les empêche pas d'avoir cette émotion, cette reconnaissance. Et je crois que vraiment, Jacques voyait en Boris, vraiment, il avait tout compris qui il était. Il le décrit très très bien dans ce qu'il dit, quelqu'un qui a, voilà, la mécanique, la musique, etc., toutes les techniques qu'il n'en fait qu'à sa tête. Il adore ça. Si on lit le dîner de tête de Prévert, voilà, tout est dit. Donc ça, c'est très important. Et de l'autre côté, Boris vers Jacques Prévert, que dire qu'il avait peut-être aussi trouvé un père ? Son père qui meurt trop prématurément dans des conditions terribles en 1944, hein, le père de Boris Vian qui se fait assassiner tout de même. Donc assassiné par un cambrioleur dans sa propre maison. Tout à fait, oui, tout à fait. Donc ce qui se passe, c'est que je pense qu'il y avait ce lien qui était presque familial, qui était très profond. Et puis c'était la lumière, et il était très malheureux, Jacques, de voir ce grand gars malade, à tel point que le dernier voyage que va faire Boris, quand il va se savoir vraiment au bout, en janvier 59, il ira du côté du Cotentin. Alors vous allez me dire, là où il y a la maison Prévert et là où Jacques Prévert est enterré. Mais moi, je vous répondrai oui. Et aussi là où Boris allait, enfant, où il avait sa maison familiale aussi. Et là aussi, il y a une rencontre. On ne le sait pas assez, mais ils étaient fous amoureux de cette même région. Et alors, sur la terrasse, on imagine qu'ils y allaient souvent. Est-ce que vous pouvez nous y conduire ? Avec plaisir. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir, pendant leur parole, la tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Je vais bloquer ça, ça c'est à Boris par exemple. Vous voyez, je m'en sers toujours comme la cale. Oui. Donc c'est une immense terrasse sur les toits du Moulin Rouge. C'est effectivement un lieu de passage, oui, un toit. Elle a cette particularité, c'est que je pense que les ateliers de couture du Moulin Rouge qui sont derrière vous, la maison Prévert, le théâtre ouvert et nous-mêmes la maison Vian, nous sommes les seuls à voir le Moulin Rouge tourné à l'envers. Ce qui, pour quand même un lieu très très hautement pataphysique, est quand même assez drôle. Oui, c'est ici des réunions des pataphysiciens sur cette terrasse, puisque vous-même êtes pataphysicienne, c'est là que vous organisez vos réunions ? Alors aujourd'hui, il y en a moins, mais enfin, il y en a quand même encore quelques-unes qui se sont tenues jusqu'il n'y a pas très longtemps. Mais surtout, il y a l'effluve de tous ces gens qui venaient effectivement se concentrer sur des grandes opérations festives, champagne acclamation, éligibilité de satrape, etc. Ou bien sûr, en premier lieu, il y avait le baron Mollet, où il y avait Raymond Queneau, bien sûr, Eugène Ionesco, Jacques Prévert, Pierre Prévert, René Clair, enfin, tout un tas de personnalités merveilleuses. Et Boris adorait ça. Pour lui, c'était le summum de l'intelligence, parce que c'était la perception de voir, de concevoir, de construire scientifiquement des choses qu'on ne voit pas de prime abord. C'est ça un peu, c'est la pataphysique. La science des solutions imaginaires. Absolument, la science des solutions imaginaires. Et vous êtes la commandresse exquise de l'ordre de la Grande Guidouille. C'est pas mal. De la Grande Gidouille, oui, absolument. On dit gidouille, c'est cette fameuse spirale que le Père Ubu a sur le ventre, qu'on voit souvent. Ça me plaît beaucoup, je suis la plus fière sur cette terrasse, parce que je me dis, je suis commanderesse exquise de l'ordre de la Grande Gidouille, et j'ai le même diplôme que Boris Vian. Lui était grand écarisseur, puis satrape. Mais ça fait un peu peur. Pourquoi ce nom de grand écarisseur ? Parce que l'écarissage pour tous, bien sûr. Et que les gens du collège avaient vu l'écarissage pour tous. Hein. Voilà, ils avaient vu cette pièce en 48. Ils n'étaient pas du tout pataphysiciens, mais à l'époque, ils avaient dit « Mais ce gars, il est plus que pataphysicien. Il faut absolument, à un moment donné, qu'il y soit. » Donc, ils l'ont approché. Et puis, il est devenu pataphysicien. Et il s'est réalisé pleinement. Il a vraiment trouvé son collège, sa famille, sa compréhension a été admise. C'était vraiment une joie profonde. Et c'est là où on voit à quel point, dans l'intelligentsia littéraire, il ne pouvait pas trouver sa place, ou dans le monde du théâtre, ou dans le monde... Et la pataphysique était quand même quelque chose, je veux dire, de perçu d'une façon très étrange. On était quand même, avec les pièces de Queneau, comment dire, très très très décalé par rapport à ce qui se faisait. Boris Vian était une espèce de d'oulipiste avant que cette oulipo existe des années plus tard. Oui, comme quand par exemple il prend le pseudonyme de Bison Ravi pour Boris Vian. Voilà. C'est tout presque oulipien ça. Oui, tout à fait, puisque c'est l'anagramme de Boris Vian. Il va signer ses toiles de peinture d'ailleurs comme ça. Il y en a un autre aussi moins connu qui est un personnage central dans un de ses romans, qui est le Baron Visi, qui est un autre pseudonyme. Mais ça vaut aussi pour les personnages qu'il invente, ça vaut pour le fameux Vernon Sullivan, qu'on ne lui pardonnera jamais, quelque part. C'est pas rien d'insulter l'Amérique qui vient de nous libérer et de dire que d'abord l'Amérique, ce sont quand même une bande de jeunes éventuellement bourgeois qui violent des petites noires, c'est quand même très très très très mal reçu. Et c'est terriblement violent, et etc. Vian n'a pas de limite, ne fait pas de compromis. Et en même temps, il y a une admiration pour les États-Unis. Vous dites qu'il a fait cet appartement pour que ça ressemble aussi à un loft new-yorkais. Il y avait une admiration pour le polar la côte ouest américaine. Donc il y a vraiment les deux choses chez lui. Et la littérature américaine. Il aime profondément, bien sûr, Faulkner, par exemple. Alors toujours pareil chez Vian, c'est jamais tout noir ou tout blanc. Et puis je crois que dans la vie, personnellement, moi en tant que digne représentante, je vous dirais la même chose. C'est-à-dire qu'on peut aimer l'Amérique et puis la détester pour autre chose. Et peut-être qu'à cette époque-là, je veux dire, le libre arbitre existe moins justement. On a envie de rester dans une seule voie et Boris Vian est capable de tout décortiquer. S'il a été un homme de lettres, c'est aussi parce qu'il a été traducteur, Nicole Berthold. Oui, j'ai envie de dire contraint et forcé, mais traducteur quand même, et éminent traducteur. Il est traducteur de pas mal de polars, effectivement, puisque Marcel Duhamel, qui dirigeait la série Noire, va lui proposer. Et notamment, il faut quand même le rappeler, le fameux Grand Sommeil, où les femmes s'en balancent de Chaudelair, etc., ou de Peter Chenet, c'est Boris Vian qui est derrière. Il y a deux autres choses qu'il faut souligner formidables. Simone de Beauvoir, qui est tellement amoureuse de son auteur américain. Nelson Algren. Nelson Algren, absolument. Va demander à Boris de traduire L'Homme au bras d'or, par exemple. C'est un grand hommage et c'est une façon pour elle de reconnaître Boris. Donc ça, c'est pas rien. Et puis, il y a l'autre chose très intéressante. Boris Vian qui traduit Le Monde d'Ea, parce que Vian est un fou de science-fiction. Et est ingénieur, encore une fois, mais aussi connaît merveilleusement bien l'américain suffisamment pour suivre la lignée de ce genre de bouquin. Il aime Wells et tout d'avant, bien entendu, mais il va surtout adorer Gerard Van Vogt, le roi de la sémiologie, par exemple, et de la sémantique. Et donc ça va beaucoup lui plaire. Il va aussi traduire Strindberg. Donc il va traduire Strindberg en passant par une traduction allemande. Mais Ursula est à moitié suisse-allemande et à moitié suédoise. Donc il va comprend un tout petit peu. Absolument. Très doué, le monsieur. Faut quand même le souligner un tout petit peu. Vian, il sait tout faire et rien faire. C'est-à-dire que quand il veut faire quelque chose, il le fait. Il a une mémoire quasi absolue. Et c'est vrai qu'il apprend tout assez vite. Voilà. Alors ça, c'est une toute petite pièce de 4 mètres carrés, peut-être, un bric-à-brac. Oui, exactement. Du reste, il avait commencé à écrire une chanson qui s'appelait « J'ai tout un bric-à-brac ». Ben, c'est exact. C'était ici, sur cette pièce. Absolument, on y est. Mais si vous voyez cet appartement évoluer, c'est parce que, bien entendu, Boris Vian a tout un arsenal d'outils et autres pour pouvoir commencer, à un moment donné, à pousser les murs. Parce que ce qui lui plaisait dans cette histoire d'appartement, c'était, à un moment donné, de pousser les murs. Le 40 mètres carrés va en devenir 50, puis 60, puis 70. Puis il va même se payer le culot de faire une mezzanine, de faire un escalier, de faire des penderies. Et encore une fois, lorsque vous êtes dans cette partie-là, il l'a conçu comme dans un bateau. Et alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que cette calandre de voiture là-haut, c'est la calandre de sa Morgane, parce qu'il avait une décapotable fantastique qui s'appelait donc Morgane, et ça ressemble un petit peu à ça. Est-ce que c'est celle-là? Oui. C'est ça, ouais, très bien. Vian, fou de voitures, aura plusieurs voitures, une BMW 6 cylindres, une Austin LA, une Richard Brasier, et puis il aura effectivement cette Morgane. Alors sachez une chose merveilleuse, c'est que nous l'avons retrouvée il n'y a pas longtemps, et que le fils de Boris Vian aujourd'hui est en train de la faire réparer et pourra reconduire la voiture de son père. Qui va devoir reprendre la calandre qui est accrochée au mur ici. Parce que ça, c'est la vieille. Depuis, on en a mis une fort belle, une rutilante. Mais il y a plein de choses qui sont restées d'origine. Et quand Boris allait pas très bien, je dois dire, sa Morgane lui sauvait la mise parce qu'il pouvait rouler très, très, très, très, très vite, décapoté. Et là, il oubliait tout. Il était très, très bien. Il avait aussi une voiture de 1911 qui tombait tout le temps en panne, je crois. Oui, la Richard Brasier. Et cette Richard Brasier ne dépassait pas le 40 à l'heure. Et quand il entreprit d'aller à Caen avec sa voiture, ça l'amusait beaucoup. Mais à la fin du voyage, ça l'a moins amusé. Et surtout Ursula, qui s'en souvenait et m'en parlait encore souvent. Il me disait, mais tu te rends compte, on a mis 2 jours et demi. Par contre, ce qui était magnifique, c'est qu'il y avait une réserve d'eau. Et elle pouvait se laver, faire la toilette, il pouvait s'arrêter n'importe où en fait. C'était une voiture très aménagée. Il y avait même des toilettes intérieures. Ah non, c'est tout à fait extraordinaire, la Richard Brasier. Et voilà. Vous utilisez encore ces outils? Alors, je suis moi-même assez bricoleuse et donc j'utilise beaucoup de ces outils. Et ça me fait toujours plaisir. Je choisis selon l'humeur et l'émotion. Si je prends de Boris ou pas de Boris, bien sûr, il y a des choses post-mortem. Et ça, alors, l'ingénieur est vraiment là. C'est-à-dire que Boris, il achète des outils dont il ne va jamais se servir, mais qui sont des outils insensés. Il a bien sûr à l'époque le catalogue, je veux dire, de Manu France. Il y avait tout ce qu'on pouvait imaginer. Voilà. Et juste entre nous, mais c'est Boris, quand il en avait marre de tout et qu'il allait vraiment très mal, en fait, c'est pour ça qu'il s'était construit cette chambre. Donc c'était une façon pour lui de dire, oui voilà, c'est une façon pour lui dire, je veux plus rien savoir de rien. Et là, et c'est certainement là où il a écrit les poèmes, je voudrais pas crever, que Ursula a découvert 2 ans plus tard dans son bureau. Ces fameux magnifiques poèmes de je voudrais pas crever, en fait, on ne savait pas, je veux dire, qu'ils existaient quand il est mort. Et c'est très poignant parce que sur les manuscrits, on voit vraiment qu'il a pleuré. C'était quand même quelqu'un à la fin d'assez mélancolique, non? Oui, il pouvait être mélancolique, certes, il pouvait même être un poil agressif, parce qu'il souffrait vraiment beaucoup. Il y a une chose qui est sûre, et c'est tellement simple à dire, et comme le disait Jacques Prévert, il avait tellement pas envie de mourir. Et pourtant, et il a tenu longtemps, parce que certains médecins pensaient vraiment qu'il mourrait vers 20-25 ans. Et cet homme est quand même mort à 39 ans, c'est-à-dire qu'il avait une énergie et une capacité vraiment à être là qui était tout à fait incroyable. Et il s'économisait pas, puisque dans cette maison, ça, tout le monde le savait, vous pouviez lui rendre visite à n'importe quelle heure. Il dormait entre 2 heures et 4 heures par nuit. Et il a créé, en 39 ans, énormément, et dans tous les domaines, la chanson, les romans, c'est-à-dire qu'il travaillait en permanence. Alors, il travaille, non, c'est quasi compulsionnel. Il est obligé d'écrire. Il y a peu de ratures. S'il y a des ratures, c'est qu'il n'y arrive pas et c'est assez rare. Et dans les chansons notamment, s'il y a des ratures, trop de ratures, il abandonne la chanson. Il y a beaucoup de reprises, par exemple dans L'Arrache-cœur, le dernier roman qu'il a fait, parce que ça lui était plus difficile. Mais par exemple, J'irai cracher ou L'écume des jours, c'est absolument stupéfiant. Ça coule, c'est là, c'est en lui. C'est déjà écrit à l'intérieur de lui. Et j'irai très loin en disant que l'ingénieur a déjà calibré le livre. Et ça, c'est vrai. Ça veut dire quoi, l'ingénieur a calibré le livre? Il sait exactement combien de pages il y aura. Combien de pages? Oui, absolument, absolument. Et même dans les traductions, on parlait de traduction tout à l'heure, si on revient à la traduction, il sait aussi, à peu près, il peut calibrer, vraiment. Et donc, Boris Vian va faire effectivement un travail de traducteur, va faire un travail de romancier, de novelliste, de chansonnier et tout. J'ai envie de dire, si le roman avait marché, on n'aurait pas tout ça. Mais il y a quand même des chansons, justement, celles sur la guerre. Le déserteur, par exemple, il l'aurait écrite, même s'il n'avait pas besoin d'argent. Je pense que si ses romans avaient marché, il aurait écrit des chroniques, il aurait écrit peut-être des pamphlets, il aurait peut-être écrit des articles, mais il n'aurait peut-être pas fait forcément de la chanson, pas forcément. Et là, je rends hommage à Monsieur Mouloudji, que j'ai bien connu et que j'aimais tellement. Et Mouloudji a été voilà, merveilleux, a dit à Boris, mais moi, ta chanson, je vais la chanter sur scène. Et c'était quand même à l'automne 54. Si je peux dire, ça chauffait un peu, quoi. Vous dites qu'il calibrait ses livres à la page près, comme un ingénieur. Est-ce qu'il y a d'autres choses de l'ingénieur qu'on retrouve, selon vous, dans ses romans ou dans son écriture ? Ah, tout simplement dans les histoires. Dans l'écume des jours, si vous relisez le texte tout simple, son copain Tchik, le fameux Tchik, il est ingénieur. Donc il lui est à l'intérieur du coup de son discours, il y a des choses dites qui sont vraiment complètement ingénieures. Si vous reprenez l'automne à Pékin, qui de mon point de vue est vraiment le roman le plus ingénieur, ce sont des ingénieurs qui partent dans le désert construire une voie ferrée. Si vous prenez l'herbe rouge, on construit une machine à remonter le temps. Vous avez ça, c'est tout le temps là. Boris finalement s'inspire de tout et de rien, de ce qu'il connaît, mais il détourne sans arrêt. Mais ça lui tient beaucoup à cœur parce que finalement, il est quand même issu de l'école centrale et donc des arts et métiers. Ça lui plaît beaucoup. C'est-à-dire qu'avec tout ce qu'on va découvrir, c'est une époque terrible, on découvre plein de choses quand même après la guerre, on peut en faire des histoires incroyables. Et moi j'ai rencontré beaucoup de centraliens qui étaient des gens tout à fait étonnants. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Quand on devant ce résultat ne se dégonfla pas et joua les andouilles, au tribunal on l'a traîné et devant les jurés le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard infâme, mais je jure devant Dieu comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant les luttes immédiatement, chef du gouvernement. C'est intéressant ce que vous dites sur le fait qu'il était ingénieur, Boris Vian, parce qu'il avait un rapport à la machine et à la modernité qui était peut-être un peu ambivalent. Il était pour le progrès technique, il était fasciné par les moteurs, on a vu qu'il aimait les voitures, et en même temps, il était pour que ce progrès technique soit très maîtrisé. Peut-être qu'il ne serait pas heureux du monde de plus en plus technique dans lequel on vit aujourd'hui. Alors, je me permettrai de répondre pour lui, mais je pense vraiment ne pas m'égarer. Boris adorerait notre époque avec toute cette technologie, pourvu qu'elle n'enferme pas l'homme. C'est tout. Boris a travaillé sur un traité de civisme plusieurs années de sa vie. Il s'était rapproché beaucoup, il avait relu Sartre, il avait relu Camus, Heidegger, il relisait beaucoup de choses, Schopenhauer. Il avait envie de comprendre des choses dans tous les modes, certainement que Ursula de culture alémanique l'a aussi poussé dans cette voie-là. Il y a eu beaucoup de discussions avec ses copains, notamment Claude Léon, son grand ami ingénieur, des fois... Ils n'étaient pas d'accord, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on arrivait toujours à la même chose, c'était l'enfermement de l'homme, l'esclavage, sous toutes ses formes. Et en fait, Boris a écrit très rapidement que les robots seraient les maîtres du monde, certes et chic, c'est génial, parce que le robot, on va le taxer, et que le robot, je veux dire, évitera aux gens, je veux dire, de travailler. Donc, quelque part, quand j'entends maintenant les Bill Gates et compagnie dire à peu près la même chose, moi, je suis écroulé de rire, parce que des gens fortement cultivés, et de l'école centrale, et d'ailleurs, et de Polytechnique, pensaient déjà comme ça. On connaissait déjà tout ça. On savait déjà tout ça, que la machine libérerait l'homme. C'était des slogans, hein, en 68, tout ça. Et donc, finalement, c'est ça la problématique. Et donc, je vous répondrai, me semble-t-il, vraiment... Exactement tel que la pensée de Vian est, on invente des choses, oui, pourvu que ça n'abîme pas l'être humain, pourvu que ça ne déclenche pas de guerre, pourvu que ça ne déclenche pas de famine. Et Boris disait, la guerre c'est quand même assez mathématique, s'il n'y a pas de militaire, il n'y a pas de guerre. Donc ce traité de civisme, si on veut connaître la pensée politique de Boris Vian, c'est ça qu'il faut lire alors. Mais écoutez, j'ai eu la grande chance que le livre de poche me demande de reprendre le manuscrit inachevé de Boris Vian, d'en faire des annotations, de l'accompagner au niveau de l'index, etc. Et aussi du contexte historique, parce qu'on oublie tout ce qui s'est passé. Souvent, Vian, il est tellement contemporain qu'on oublie qu'il est né en 1920 aussi et qu'il est mort en 59, qu'il s'est passé beaucoup de choses dans le monde à cette époque-là, auxquelles il a assisté et qui l'ont terriblement marqué. C'est un homme qui est très marqué par l'actualité. Et il y a beaucoup de guerres aussi à cette époque. Mais si vous me permettez cette question, pourquoi avez-vous choisi Saint-Germain-des-Prés pour l'exercice musical? Parce que je crois que vous aimez sincèrement et profondément et passionnément la musique de jazz. Oui, ça c'est une de mes manies. Mais vous savez, il y a guère que cet endroit-là où on puisse faire de la musique de jazz et conserver un public. Parce que si vous prenez la Bastille, par exemple, à la Bastille, si vous jouez autre chose que de l'accordéon, vous vous faites tuer. Aux Champs-Élysées, si vous jouez autre chose que de la musique douce, vous vous faites tuer. Et dans les autres endroits en général, si vous jouez autre chose que des sambas, vous vous faites tuer. Il ne reste guère que Saint-Germain-des-Prés. Alors d'avoir le public que vous avez, vous dites tant mieux, tant pis, ou si ça vous est égal? Ah, moi je dis tant mieux, parce que c'est un public qui apprécie cette musique-là et qui revient après de l'avoir entendu. C'est tout ce que nous lui demandons, c'est de pouvoir continuer le plus longtemps possible. Mais vous parlez d'or, enfin, sagement, raisonnablement, enfin, de manière à me surprendre encore davantage. Mais entre nous, il n'y a pas parmi votre public des gens qui sont là, mon Dieu, pour faire foule et parce que c'est la mode? Si, il y a beaucoup de gens qui sont là parce que c'est la mode, il y en a qui viennent voir ce que c'est qui ne reviennent pas, il y en a qui viennent voir ce que c'est qui reviennent, et puis nous avons énormément d'Américains. Et pourquoi était-il nécessaire de l'installer dans une cave? Ah, ça je ne sais pas. Vous savez, je crois que le complexe un des caves... Un tropisme biologique. Ah enfin... oui, ça, je crois que ça date de l'occupation, ça, des bombardements. Vous savez, on a tellement pris l'habitude de descendre la nuit dans des caves que... Mais pendant l'occupation, on ne descendait pas dans les caves. Quand on était bombardés, les Parisiens restaient sur le pas de la porte. Oh, pas tellement. Non, au fond, ils étaient ravis de descendre dans des caves. C'était une diversion. Et puis, alors, ils faisaient connaissance avec leurs caves. On ne connaît jamais ces caves, vous savez. Alors, c'est l'habitude de fréquenter les caves qui, c'est ça, ils ont voulu à votre continuer. Avis. Ils ont voulu continuer. Mais alors, ça doit se prêter à des possibilités d'exploration de caractère biologique, scientifique et même psychologique. Enfin, et si vous preniez le point de vue du savant, puisque vous changez facilement de point de vue, qu'est-ce que vous diriez des caractères biologiques de la faune des cavernes de Saint-Germain-des-Prés? Ben, vous savez, la faune des cavernes de Saint-Germain-des-Prés est très variable. Il y a les gens très bien, les gens qui s'y pourvoient de temps en temps, qu'on ne revoit guère, parce que tout de même, quand on ne peut pas respirer pendant 3 heures, on a guère envie de recommencer, si on est normal. Oui. Enfin, il y a ceux qui recommencent, c'est vraiment qu'ils n'ont pas grand-chose d'autre à faire. Et alors, il y a aussi toute la tribu des génies méconnus de Saint-Germain-des-Prés, alors dont le génie consiste à se faire voir partout en disant qu'ils vont faire des choses, et... La méconnaissance provient de ce qu'ils ne font jamais rien, de ce qu'ils disent qu'ils font. C'est un des titres les plus répandus de Saint-Germain-des-Prés. Enfin, passons sur ces gens-là, ils ont déjà bien assez fait parler d'eux. Mais vous, M. Boris Vian, votre ambition personnelle, à vous, quelle est-elle? Moi, c'est conserver un endroit où je puisse, avec mes camarades, faire le plus longtemps possible la musique de jazz sans concession. Et vous n'avez pas eu trop de malheur jusqu'ici avec les habitants du quartier? Oh non, à part quelques sourds d'eau sur la tête, des têtes de poissons pourris, des tomates, enfin fait, des choses comme des choses plutôt nourrissantes. Mais il faut souffrir pour l'art. Ah, il faut souffrir pour l'art. Alors, le biglemois, comment ça se danse ce biglemois? Qu'est-ce que c'est? Oh là là, il y a une définition en 3 lignes par Boris qui est extrêmement compliquée, qui est effectivement dans les premières pages de l'écume des jours. Hein, c'est une histoire très vibratoire, assez incroyable et tout. Je pense que c'était vraiment sa façon justement à Boris de décrire les danses incroyables qui se faisaient à l'époque, parce que les premiers couples mixtes nord-américains, blanches ou dans tous les sens, mélangent effectivement avec des gens issus de la samba, etc., se mélangeaient et ça donnait quand même des fois des soirées très... hot, si je puis dire. Donc on est là devant les centaines de 33 tours qui appartenaient à Boris Vian. Est-ce que vous voulez nous en montrer un ou deux? Peut-être même nous faire écouter une chanson, pourquoi pas de Boris Vian ou celle que vous voudrez? Oui, je pense que c'est intéressant peut-être d'écouter plutôt ce qu'il avait lui enregistré en tant que directeur artistique finalement, parce que c'est quand même le aussi... chez Fontana. Voilà, il a été d'abord employé par Jacques Kennedy pour faire un catalogue jazz, puis ensuite il était employé par Philips, et chez Philips, il a fait un label Fontana. Et là, je reviens à un point qui est toujours la même chose chez Boris, et qui est vraiment presque humaniste. Il crée une collection qui s'appelle Jazz pour tous. Voilà, le jazz, si on en fait, faut que ce soit pour tous. Voilà, et donc ça, je trouve ça vraiment merveilleux, quoi. Donc je ne rappelle pas que la personne qu'il aimait le plus au monde en matière de jazz, était Monsieur Duke Ellington, hein, puisque c'est le fameux thème de Chloé que Colin écoute lorsqu'il va découvrir la magnifique créature qui est Chloé et qui va mourir malheureusement. Et donc il aime encore une fois Duke Ellington, presque pour des raisons d'ingénieur. Parce que pour lui, c'est une magnifique machine. Il faut savoir que les grands orchestres, il n'y en a pas tant que ça. Et je veux dire, Duke Ellington, il a un grand orchestre, avec tout ce que ça veut dire de mise en place, une énorme machine. Et ça, ça le fascine aussi. Et puis bon, c'est une musique joyeuse, savante, merveilleuse, etc. Donc ça, il écoute énormément Duke, mais il écoute beaucoup d'autres choses. Puis il y a l'autre versant, comme vous voyez, il y a toute la production. La surprise partie chez Françoise Sagan, c'est quoi ? Ah non, ça c'est tellement drôle, tellement drôle. Ça, c'est alors Michel Mann, qui était un magnifique chef d'orchestre, je veux dire, de jazz. Et alors Boris, il faisait des compilations comme ça, merveilleuses. Alors... À l'époque, François Sagan, vous croyez ? Ils se sont croisés. Mais donc, c'était merveilleux de pouvoir imaginer une surprise partie chez François Sagan. Ça faisait l'objet d'un disque. Et donc, il concevait ça avec ses copains, quand même, beaucoup, hein, pour les couvertures, pour l'enregistrement, etc. J'ai envie de vous dire qu'il y a autre chose que je peux vous montrer qui va vous parler tout de suite. C'est Madame Magali Noël. Son premier disque rock'n'roll. Formidable. Avec son ami Alain Goraguerre, Gogo. Je rends hommage à Gogo si tu m'entends, parce que Gogo, il est toujours là et je l'adore. Hein, et il le sait. Et je rendrai hommage, on va dire, d'une façon moins familière à Monsieur Michel Legrand, mais qui est aussi là et qui a été aussi des gens très proches de Boris. Ils ont vraiment travaillé ensemble. Magali, elle est venue là jusqu'à la fin de sa vie et elle adorait Boris. Et je suis obligée quand même de vous montrer ce disque est devenu un monument. Ascenseur pour l'échafaud. Voilà, enregistré par... La BO du film de Louis Malle. Voilà, mais que Boris a enregistré. C'est lui qui en était l'ingénieur du son. Le directeur artistique, on va dire. Voilà. Il faut peut-être dire un mot quand même d'Henri Salvador. Parce que c'est une amitié et puis c'est aussi une collaboration artistique entre les deux, Nicole Barthe. C'est une immense amitié entre eux, presque un coup de foudre, parce que Boris va découvrir en Henri vraiment quelqu'un de éminemment doué en matière de guitare. On oublie tellement, je veux dire, la magnificence du jeu. Je veux dire, j'ai vraiment eu la chance de l'entendre longtemps. De ce que Henri savait faire avec une guitare. Et alors ça, il était très impressionné, Boris. Puis alors après, il y avait bien entendu toutes les bêtises qui pouvaient sortir nuit et jour. Donc quelque part, Henri aimait Boris, Bobo comme il l'appelait, parce que Boris savait rendre, comme il disait, intelligent. Mmh. Et puis, à côté de ça, dans l'autre sens, Bobo aimait voir Henri parce qu'Henri lui donnait de la joie de vivre. Donc c'était un échange très fort entre deux, où il y avait vraiment une vraie passation de choses. Et je peux simplement dire coucou Henri si tu nous vois, parce que la dernière interview qu'il a faite, la journaliste lui a demandé où vous voulez Monsieur Salvador et il a dit alors il n'y a qu'un seul endroit, ce sera chez Bobo. Et la dernière interview que Henri a faite, c'était ici. Mmh. Et je peux vous dire que il s'est assis par terre au pied du piano comme ils faisaient des idées ensemble et tout, et je peux vous dire qu'il pleurait. Et ça a été un moment quand même qu'on oublie pas. Alors, il y a du jazz dans cette discothèque, mais il y a aussi de la musique classique. Je crois que le prénom de Boris Vian, c'est une référence à l'opéra Boris Godounov. C'est ça, Nicole Berthold ? Eh oui. Maman Vian aimait tellement l'opéra. Alors, elle aimait tellement l'opéra que le premier s'est appelé Lélio, qui est aussi issu d'un contexte d'opéra. Boris aussi. Alain, le troisième, non. Et après, il y a Ninon, aussi, qui a eu un prénom issu de l'opéra. La maman joue du piano, la maman joue un peu de la harpe. Elle aime le piano, elle aime chanter, elle est une magnifique soprano. Elle va voir tous les concerts qu'elle peut. Elle sera attachée à son piano jusqu'à la fin de sa vie, même dans son petit de pièce. Elle aura son grand piano qui sera toujours là. Là, je vous ai sorti Wozzeck, ouais, d'Alban Berg, parce que Boris avait une passion pour Wozzeck. Et ben ça, on ne le sait pas du tout, parce qu'on pense que Boris Vian, c'est juste le jazz, mais en l'occurrence, ça peut être aussi la musique plus difficile. Au point d'imaginer que Boris Vian, à partir de 57-58, va de plus en plus vers l'opéra, et au point de dire que la chose qui lui tient le plus à cœur aujourd'hui, c'est d'écrire un livret d'opéra, ce qui va d'ailleurs faire avec Darius Milhaud, pour Darius Milhaud, ce qu'il va faire pour Georges Delerue, avec Georges Delerue, et il va également commencer à écrire un petit morceau d'opéra qui va s'appeler Le Mercenaire, qui est lié malheureusement encore une fois à la guerre, les hommes et la guerre, et c'est son dernier écrit, vraiment. Donc ça veut bien dire que c'est très important. Il termine par un opéra. Il termine par un opéra parce qu'il estime que tous les arts se réunissent dans l'opéra. Ça, c'est très intéressant et tellement juste. Et puis, il voulait faire quelque chose de très moderne, très contemporain, avec son ami, justement, Delerue, qui, lui, commençait à monter en flèche gentiment. Mais sûrement, il s'entendait très, très bien là-dessus. Voilà pour cette visite de l'appartement de Boris Vian. Un grand merci à Nicole Berthold, mandataire de l'œuvre de l'écrivain. Je signale deux de ses livres, D'où viens-tu Boris et Post-Scriptum, deux livres donc sur Vian parus au Cherche Midi, éditeur. Et tout de suite, comme chaque jour, c'est la poésie. Jacques Bonafé. Bonjour la compagnie. À quoi je sers, moi, dit le poème. Non, mais c'est bon à quoi la poésie? Pleurer, se lamenter, céder à la mélancolie, planer, quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis? Faut-il m'apprendre dans les écoles une leçon de sagesse et d'élévation? Il y a tant de raisons de mâcher des ombres, tant d'appels à l'apitoiement. La fin du monde ayant déjà eu lieu, faut-il quand même accorder au poème un pouvoir résilient? Le désespoir n'existe pas, nous dit Zeno Bienu. Très bien, prenons acte, repartons à Z, qui marque d'ailleurs cette rentrée d'un univers funambule. C'est le nom de son dernier livre, d'un univers funambule, nous y reviendrons. Et nous, rêveurs de cirque et mendiants, nous repartons avec le livre Errant de Jean-Marie Kervis, paru au Mercure de France. Moi, le livre Errant, je fus précipité dans une benne à ordures de la Courneuve. Les Roms qui font les poubelles ne me sauveront pas la vie. Pour eux, un livre n'est rien. Mais soudain, un Rom me prend et me jette aussitôt sur le trottoir. Je suis sauvé. Le vent et des coups de souliers me poussent à l'abri sous un saule. Cette banlieue est vraiment faite pour les voyous et les pauvres, mais aussi pour un petit nid à poètes. Combien faut-il de souffrances pour mettre au monde un poète? Un matin, la guitare orpheline ne trouvera plus la vieille main qui grattait ses cordes. Jean-Marie Kervis est né à Paris en 1952, dans une famille de gitans piémontais. Yehudi Menouin a fait l'éloge de ses premiers poèmes et Jean Grosjean a comparé son recueil « L'ange qui boite » aux prières de François d'Assise. « Je n'ai jamais connu le bonheur. Je suis tombé d'une étoile aride sur une autre étoile encore plus aride. Je me suis habitué aux mauvaises nouvelles, cela me permet d'en attendre une bonne. » Je me publie moi-même, je reçois mon âme dans ce salon littéraire que sont mes viscères et des rats viennent me féliciter. J'aime admirer les tessons de bouteilles, les fleurs des banlieues qui sortent leurs petits coups par les grilles du chantier. Pas de pitié pour les poètes, pas de miséricorde, ils n'ont rien vu et pourtant ils doivent écrire la résurrection d'un homme cloué comme eux sur une croix. Mais la vie pratique, Jean-Marie. La poésie pratique. Les trains, les voitures et les avions sont les dinosaures d'aujourd'hui. On ne peut plus marcher de peur de se faire dévorer par ces nouveaux monstres. L'esprit devenu homme cherche alors échapper en voyageant dans les pays arriérés. À Bénarès, où repose le corps épargné par la crémation du poète illettré Kabir. Des pétales de fleurs ornent sa tombe. Les défunts gisent sur le trottoir où la tradition veut qu'on leur frappe l'épaule quand on les croise pour leur dire de reposer en paix, loin de l'Occident et de ses affreuses maisons de retraite. Vivre sa mort, voilà la vraie vie. Le vrai miracle, c'est de mourir. J'ai franchi la porte blanche de la page un nombre incalculable de fois. La poésie est ma seule amie. Cette émanation de mon esprit intime qui a élevé ma souffrance. Debout, sous l'orage sévère, j'étais devenu un rocher. L'eau coulait le long de mon corps. Les souvenirs nous jettent d'anciens manuscrits au visage, n'entrent plus par effraction dans le logis des feuilles mortes. Toute gloire est un vase de cristal où les fleurs les plus chères meurent d'ennui. Merci Jacques Bonafé, à demain.